Voilà, c'est l'intempestive. C'est l'intempestive et contrairement à ce qui avait été annoncé, on ne va pas passer aujourd'hui la captation du débat à l'Équitable Café le 8 avril dernier sur les alternatives à la psychiatrie aujourd'hui. C'était un débat dans le cadre d'À propos d'un événement à faire, Fernand Deligny comme hypothèse, qui avait réuni Gisèle Durand et Jacqueline de Monoblet avec l'expérience de Deligny, ainsi que Magali Roche, Michel Quétier et Rémi Roux de la ferme du Bersac, un lieu de vie pour des personnes avec un handicap mental qui a été expulsé en août 2010. Ce débat est en revanche écoutable, en ligne et téléchargeable sur www.intempestive.net. Actualité oblige, on va parler plutôt du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. C'est l'intitulé très officiel d'une loi qui ne donne aucun droit, qui ne protège personne et qui organise un retour à une conception asilaire et répressive de la psychiatrie. On en discute avec les personnes qui sont au cœur de la lutte contre ce projet de loi, les membres du collectif D39 contre la nuit sécuritaire. Le 10 mai prochain, ils organisent leur prochaine action publique, une manifestation devant le Sénat qui doit discuter le projet de loi. Et entre les mailles de leurs phrases, vous pourrez entendre des extraits de l'album Rythme et Brut, Raw Music. Du spontané, du brinque-ballant, du sincère et du rafistolage, de vrais et faux bruts sans frontières, du bastingage pour plonger bientôt dans la vérité, comme se définit elle-même cette compilation de musiciens bruts. Alors je vous laisse vous présenter déjà. Oui, Yves Gigoux, donc je suis de formation infirmier de secteur psychiatrique et retraité depuis 3-4 ans et toujours militant actif pour une psychiatrie des aliénistes et contre ce projet de loi liberticide qui vient d'être voté il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Bonjour, Antoine Macheteau, psychologue clinicien. Je travaille en pédopsychiatrie avec des enfants et des adolescents en région parisienne et je suis membre du collectif des 39 contre la nuit sécuritaire depuis le début. Voilà. Est-ce que vous pourriez faire une rapide présentation de ce collectif des 39? Qui est-ce qui regroupe et pourquoi il s'est constitué? Donc le collectif est né suite au sinistre discours, comme nous avons l'habitude de le nommer entre nous, du président de la République le 2 décembre 2008 dans un hôpital psychiatrique, ce qui était un événement d'ailleurs, puisque c'était la première fois qu'un président de la République allait dans un hôpital psychiatrique et qu'il y prononçait un discours. Donc ce collectif est né en réaction à ce discours très sécuritaire qui appelait au développement des chambres d'isolement, des lieux de contention, des unités pour malades difficiles et la naissance de la possibilité aussi pour les soignants de mettre des bracelets électroniques aux patients. Donc on s'est constitué dans les quelques heures qui ont suivi ce discours, puisque Hervé Bogobsa, pour ne pas le nommer, a appelé plusieurs d'entre nous, et nous nous sommes retrouvés quelques jours plus tard, et c'est de là qu'est né notre appel contre la nuit sécuritaire. Et donc ça regroupe à la fois des psychiatres? Des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, cadres infirmiers, retraités, patients, familles de patients. Voilà, c'est en fait vraiment un collectif au sens, au sens le plus simple du terme, c'est-à-dire que c'est un regroupement de personnes qui, effectivement, au point de départ, se sont indignées de la parole du chef de l'État et qui, depuis maintenant 2 ans et demi, en fait, se retrouvent pour continuer à réfléchir et à lutter contre la mise en place d'une psychiatrie sécuritaire. Oui, en fin de compte, comme le dit Antoine, nous nous retrouvons au minimum une fois par mois. On a une réunion donc mensuelle autour de ces questions-là. Et nous sommes beaucoup plus de 39, bien sûr. Hein. Les 39, c'est ceux qui ont signé le premier appel qui date donc de décembre 2008. Quoi. Et donc là, vient d'être voté par le Parlement le 17 mars dernier, une loi qui prétend défendre les droits des patients en psychiatrie et qui est en réalité extrêmement sécuritaire. Est-ce qu'on va, en discuter ? Est-ce qu'on peut la qualifier de loi de débarras ? Oui, c'est même plus qu'une loi de débarras. C'est une loi vraiment de liberticide, puisque il est question dans cette loi, qui est votée en première instance à l'Assemblée nationale, mais qui va passer au Sénat dans le courant du mois d'avril. Et on continue notre mobilisation. Donc cette loi est liberticide en quoi ? Elle instaure des soins sous contrainte à domicile. Jusqu'à ces dernières semaines, l'hospitalisation sous contrainte était réservée à l'enceinte des hôpitaux psychiatriques. C'est-à-dire que les gens qui étaient pris en charge sous contrainte, soit en hospitalisation à la demande d'un tiers, soit en hospitalisation d'office, étaient hospitalisés dans des services de psychiatrie, des hôpitaux psy ou des hôpitaux généraux. Et là, cette loi instaure, avec une idée, avec le soutien d'un certain nombre de parents et de membres de l'UNAFAM, qui est de notre point de vue est une idée fausse, parce qu'ils pensent que ça va permettre cette contrainte de répondre à leur demande qui est que leurs enfants ou leurs proches soient pris en charge. Nous, on a tendance aussi à penser qu'il est nécessaire de développer un travail d'accueil, mais que les équipes fassent ce travail et aillent au domicile des gens, puissent rencontrer les proches et tout. Mais ça, c'est pas en contraignant, et en plus par une loi comme celle-ci, qu'on va y arriver, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un tour de passe-passe. Nous, on a appelé ça la mystification, puisque on passe en fait ni vu ni connu de l'hospitalisation sans consentement, hospitalisation sous contrainte, au terme de soins sous contrainte. Donc tout de suite, on entend effectivement que maintenant, il sera possible en fait de mettre un patient, de le soumettre à des soins sans son consentement, sans son adhésion, à l'hôpital comme chez lui. En fait. Donc ce qui est quand même un fait extrêmement, extrêmement grave, puisque à l'heure actuelle, déjà, un certain nombre de professionnels, de patients, de familles dénoncent des contraintes, des mises sous contraintes arbitraires dans le cadre de l'hospitalisation à l'intérieur de l'hôpital. Et là, on va passer à une mise sous contrainte possible, même au domicile. Donc en fait, c'est une extension de la contrainte, donc un énorme risque de l'extension des dérives qui existent déjà dans nos hôpitaux en France. Donc c'est quand même sous couvert de protéger en fait les patients et leurs proches. Hein, et ben c'est une mise à l'écart de la société, c'est une mise au banc des patients qui souffrent de troubles psychiques. Sachant que ça va impliquer deux choses, ces soins sous contrainte à domicile, ça implique notamment une conception essentiellement médicamenteuse du soin, et d'autre part, ça implique également la possibilité pour des infirmiers ou les forces de l'ordre d'intervenir au domicile de la personne si jamais elle ne respecte pas la contrainte de ses soins. Alors, vous avez raison de nous ramener sur qu'est-ce que les soins. Alors pour nous, le collectif des 39, les soins, c'est pas simplement la chimio, les médicaments, les produits retard, enfin les injections retard et tout. Nous, ce sont bien sûr des solutions qu'il nous arrive d'utiliser, mais l'essentiel du soin en psychiatrie, c'est le soin relationnel, les soins médiateurs à la relation, que sont les activités thérapeutiques comme la peinture, la musique, l'écriture, toutes ces choses-là. Et on voit bien qu'avec cette dérive de soins sous contrainte à domicile, on risque d'être pris dans ce piège de soins médicamenteux, d'injections retard et tout, et que s'il y a refus de recevoir son injection, il y a le retour à l'hôpital. Et comme vous le dites, les infirmiers seront mis devant le fait de dénoncer le refus de la prise en charge médicamenteuse du patient. Alors que notre travail depuis plus de 50 ans maintenant, depuis le milieu du XXe siècle, c'est de travailler sur l'acceptation par les patients d'un travail thérapeutique. Travail thérapeutique qui, comme je viens de le dire, doit être d'ailleurs prioritairement un travail relationnel et peut-être aussi un travail de prise de médicaments. Donc on est là devant quelque chose d'assez terrible. Alors ce ne sont pas les infirmiers qui seront en première ligne pour le retour à l'hôpital, parce que c'est le directeur qui devra prendre des mesures pour que le patient soit réhospitalisé en cas de refus. Alors ça nous entraîne dans nos réflexions à des choses très inquiétantes, parce qu'on se demande, les patients, nous savons par expérience aussi, par leur fréquentation quotidienne, que s'il n'y a pas ce climat de confiance dans la relation soignante, ils peuvent aussi se cacher. Et même, c'est-à-dire que ce qu'on travaille à mettre en place avec les patients, c'est la confiance entre eux et nous, de façon à ce qu'ils puissent, dès qu'ils se sentent en fait moins bien, plus angoissés, ou en fait qu'ils sentent aussi que leur traitement, sans avoir arrêté de le prendre, par exemple, ne suffit plus à calmer leurs angoisses, il faut qu'ils puissent venir nous en parler, et pour cela il faut qu'ils nous fassent confiance. Et si les patients comprennent qu'en fait leur délire peut provoquer une réaction soignante de contrainte d'autant plus grande, ils risquent tout simplement de ne pas nous en parler. Voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Est-ce que vous voulez vous présenter ? Oui, bonjour, je suis désolé d'arriver si tard, mais bon. Écoutez, voilà, je m'appelle Saïd Matifou, je suis psychiatre à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, et je suis un des animateurs, des fondateurs du collectif des 39, voilà. Je suis psychiatre, hein, voilà. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, pardon, je suis troublé là, parce que j'arrive un peu. J'ai voulu que ma bande magnétique soit gay. Dans les nouveaux cahiers de la folie qui sont disponibles sur le site du collectif des 39, il y a notamment un article de Cécile Castin qui relève le fait que dans le code de la santé publique, le consentement aux soins figure et que ça semble un petit peu étonnant que, en concernant des soins en psychiatrie, le législateur puisse considérer qu'on se passe du consentement et qu'on on passe dans un soin répressif, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont partis. Cette loi, on l'a dit un certain nombre de fois, est écrite selon un seul principe, qui est le principe en fait de précaution, et qui est en ce moment soumis à une grande peur de la folie. Ça fait que quand on met en fait dans la même, bassine le principe de précaution, la peur, l'idée que la folie équivaut à la dangerosité, on obtient cette loi liberticide où en fait toute l'organisation des soins devrait se faire autour de la crise, autour de l'urgence, c'est-à-dire autour d'un moment où effectivement la personne n'est pas en situation de donner son consentement aux soins. Voilà, donc c'est vrai que cette situation, elle arrive, cette situation d'urgence où on est obligé de prendre des décisions sans que la personne puisse consentir à ces décisions-là. Mais ces temps sont des temps rares, quand même, dans la vie d'un patient, et ce sont finalement des temps qui doivent être très circoncis. On ne peut pas penser, en fait, une absence de consentement sur la longue durée. Il faut absolument que les soignants gardent en tête que l'objectif premier même du soin, c'est d'obtenir l'adhésion et le consentement de la personne aux soins qu'elle va recevoir. Si une loi introduit le fait qu'on peut se passer du soin, dans le soin, je veux dire, du consentement du patient, c'est-à-dire qu'elle entérine finalement la mise au banc du patient par rapport à la société et la mise au banc de sa subjectivité, excusez-moi, c'est-à-dire de son libre arbitre. On entérine le fait que cette personne est folle, incapable de dire quelque chose par rapport au traitement qu'elle va recevoir. Et après, le problème, c'est que souvent, on nous a répondu, mais écoutez, ces dispositions seront des dispositions brèves qui pourraient être remises en question régulièrement. Un juge sera là pour garantir les libertés du patient. Or, on sait parfaitement que, imaginez les conséquences d'un fait divers dramatique sur toutes les décisions des juges et des médecins qui devront statuer sur d'autres patients qui n'ont rien à voir avec ce fait divers. Personne n'osera prendre la décision de rendre en fait la liberté de choix à quelqu'un qui, à un moment donné, l'aurait perdu, cette liberté. Tout le monde préférera, en fait, par précaution, plutôt garder quand même une certaine emprise sur la personne au cas où. Oui, moi je vais renforcer et je vais peut-être pas me faire que des amis en disant ce que je vais vous dire là. Je pense que cette loi va renforcer les pratiques aliénistes, les pratiques d'enfermement et de contention. Ça va permettre à certaines équipes qui sont pour des raisons que nous connaissons bien, absence de formation depuis des années, des choses comme ça, ça va les renforcer dans leur travail d'enfermement. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très inquiétant. On est d'ailleurs très, très inquiet vu les émissions que nous avons pu voir, ne serait-ce que celle qui est passée sur Canal+, ces jours-ci, là où, dans un hôpital de l'Eure, je crois, des pratiques de contention, d'enfermement se développent sans réflexion sur qu'est-ce que c'est, je reviens à mon propos précédent, qu'est-ce que c'est que le soin psychiatrique. La spécificité du soin psychiatrique, c'est pas l'attachement avec des bracelets, qu'ils soient électroniques ou qu'ils soient en cuir, c'est un travail de rencontre et de relation. Vous voulez pas votre casquette pour le soleil? Oh si, je vais la mettre. Hein? Je vous garde le Ninas. Oui, pour le soleil. L'autre fois, j'ai vu un guépard. C'est joli, hein, tacheté, c'est... Et après, il y a les hyènes qui sont venus, donc c'est mauvais, les hyènes. Hein. Les hyènes, c'est machin, ça mange tout, ça. Mm-hmm. C'est des machins sauvages, les hyènes. Et ben, le guépard, il voulait manger, il avait tout le machin. Le guépard, il s'est sauvé, il y avait les hyènes qui s'amenaient, ben, ils s'en venaient une bande, mais le guépard, il a fait du camp. C'est les hyènes qui ont mangé la viande. Plus ça, il peut y avoir à la télé, les machins, les animaux. On dénonce ce projet comme extrêmement grave, voire même ignoble, parce que cette question des soins sans consentement et du fait que les gens, les soignants, pourront se passer d'aller rechercher la confiance, faire ce travail-là, c'est beaucoup plus... C'est dans ce sens-là où on dit que cette loi déresponsabilise les soignants. Les soignants vont se sentir, parce que c'est compliqué. C'est un travail d'engagement. C'est très très compliqué d'arriver à établir un lien de confiance, un lien, tout simplement un lien, avec des gens qui sont absolument dans un état de méfiance de tout ce qui les entoure. Et quand je disais que c'est fondamental, pourquoi ? C'est que dans cette loi, il n'y a aucune indication de durée sur la durée des soins sans consentement en ambulatoire. Ça veut dire, et les patients de différentes associations l'ont dit eux-mêmes, mais c'est un enfermement à domicile à vie. Ça sera des soins sans consentement en ambulatoire à vie. Il n'y a aucune durée. Et c'est là où cette loi est très très grave. D'une part, pour les patients déjà actuellement, mais là où c'est très grave, c'est que, vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, cette loi peut toucher tout le monde, pas uniquement les malades, les grands malades, parce qu'on peut avoir tendance, comme ça, naïvement ou simplement, et c'est légitime, de penser que le fou, c'est toujours l'autre. Et puis les fous, c'est des grands fous. Mais cette loi va concerner tout le monde. Je vous donne un exemple, si j'ai le temps. Un exemple, c'est quelqu'un simplement qui est déprimé. Par exemple, dans son boulot, allez, au hasard, il travaille à France Télécom, quelqu'un est déprimé, n'en peut plus de son boulot, n'en peut plus des conditions de travail, n'en peut plus de la pression qu'il peut y avoir par rapport à la rentabilité, la performance. Cette personne va être déprimée. Quand on est déprimé, quand on en a marre de son boulot, qu'est-ce qu'on peut être amené à dire ? On peut être amené à dire à son entourage, mais j'en ai marre, je vais me foutre en l'air. C'est des paroles qu'on peut dire, pour peu que l'on dise ça à son entourage, qui s'inquiète légitimement, ou pire, à son médecin généraliste. Et il y a les médecins généralistes quand même très très anxieux, il faut le savoir quand même. Hein. C'est pas pour leur jeter la pierre, mais c'est vrai que bon, ils n'ont pas le temps, ils voient quelqu'un 5 minutes, 10 minutes, voire même au pire un quart d'heure. Et ils ont quelqu'un qu'ils connaissent depuis longtemps et qui leur dit « mais j'en peux plus de ce boulot, arrêtez-moi, autrement je vais me foutre en l'air ». Avec cette loi, le médecin généraliste, s'il s'inquiète beaucoup, il va dire à cette personne, « Bon, écoutez, je vous connais depuis longtemps, vous me faites confiance, il faut que vous alliez voir un psychiatre, il faut que vous alliez, que vous preniez un traitement, que vous ne pouvez pas rester comme ça. » La personne, tout en chacun, qu'est-ce qu'on répond dans ces cas-là ? « Oh non, un psychiatre, oh non, mais vous inquiétez pas, ça va passer. » Et là, on se retrouve dans le non-consentement. Et là, le médecin généraliste peut tout à fait décider à ce moment-là de dire « Bon, écoutez, moi, je ne peux pas vous laisser comme ça, c'est de ma responsabilité. Si vous arrive quelque chose, c'est ma responsabilité. Je vais vous adresser et je vais vous hospitaliser en observation. Vous allez être juste en observation aux urgences de l'hôpital général. Ne vous inquiétez pas, juste en observation, tranquillement, 3 jours. Et le processus est enclenché. Voilà, c'est en ce sens-là où cette loi concerne tout le monde. Pas uniquement les patients les plus difficiles, les fous, les malades dangereux, comme on peut dire, etc. Non, tout le monde est concerné par cette loi. C'est un véritable basculement radical. Cette loi pose vraiment une question de civilisation. Et une question, parce que là, on rentre dans quelque chose qui est du côté de ce qu'un ami a appelé la société contrôlitaire, s'appuyant sur ce que Michel Foucault avait évoqué sur le contrôle des populations et le contrôle biologique des populations. Et on rentre là vraiment dans une... On devient... Les soignants sont... leur fonction soignante disparaît, on est exproprié de notre fonction soignante pour devenir des auxiliaires de police, tout simplement. Titkom, vagyon ez itt lányom, vagyon, de mi haszna vagyon, add nekem azt, elkapom azt, szita-szita pénzek, szerelem sütöttök, dobszerda, a legidegre kimegye, igen, titka, benne forog Sándor Panka, igen, nyarka, itt a utca redek, a délges, a derek, a galambocska. Ha ékes is illeti, barna legény szereti, galambocska. Akkor... Oui, si je peux rajouter, en fait, parce que c'est assez compliqué, c'est vrai, de transmettre, en fait, ce que l'on veut dire par une déresponsabilisation des professionnels par cette loi. Et même avant cette loi, il y a des processus sociétaux qui nous entraînent dans nos services, en fait, à avoir, en fait... à faire avec comme ça une sorte de désengagement des soignants auprès de leurs patients. C'est-à-dire que quand il y a une responsabilisation de plus en plus accrue et aiguë, mais du point de vue pénal, ça implique en fait un certain nombre de, on va dire, de protocoles ou d'obligations de fait qui se posent sur les soignants. Et c'est-à-dire qu'on commence finalement à réfléchir dans la relation qu'on a avec les personnes qui viennent nous voir, plus sur un thème de ce qui nous contraint nous-mêmes à faire ou ne pas faire un acte. C'est-à-dire qu'effectivement, normalement, avant, quand quelqu'un venait parler de sa détresse, on pouvait avoir une idée de ce que cette personne avait certainement besoin comme soin, mais on avait un certain temps, une certaine quand même disponibilité à travailler avec elle vers l'obtention de son adhésion, de son consentement aux soins. Or aujourd'hui, la mise en place d'un certain nombre de lois ou de réformes ou de protocoles oblige en fait le soignant à avoir une sécurité, une assurance en fait qu'il ne va rien se passer s'il laisse repartir le patient. Et ça, c'est effectivement normalement, c'est impossible d'avoir cette assurance-là, si ce n'est d'exercer une contrainte permanente et donc une surveillance sur l'état du patient pour être sûr que ça ne se dégrade pas d'un rendez-vous à un autre. On ne peut pas laisser repartir un patient qui est déprimé ou qui est très mal de notre consultation. On ne peut pas prendre le risque, même si c'est pour lui donner un rendez-vous dans 2 jours ou dans 3 jours, ce que des fois les personnes acceptent, tout simplement. Là, non, il en est hors de question. On est obligé de nommer la loi et de dire la loi nous impose de vous garder tout de suite à l'hôpital. Ce qui peut entraîner, là, vous imaginez effectivement des conséquences assez graves, c'est-à-dire, là, il peut avoir une agitation chez la personne et un refus, et là, on peut monter dans l'exercice d'une contrainte, quoi. Je suis un vrai musicien, regarde, il n'y a rien, je vais chanter. Tape la main, ensemble. Quel lock man be, oh, oh, oh. Oh, ho, ho, say lock and lock me. Oh, ho, ho, I can lock and roll the D. Oh, ho, ho, see me mock and roll the D. Oh, ho, ho, I can mock and roll. Oh, ho, ho, so the ladder, ladder be, lock and ladder, ladder be. Hey, oh, ho, ho, oh, ho, ho, ladder, ladder be. Oh, ho, ho, see the ladder. Justement, vous évoquez cette question qui se retrouve d'ailleurs dans le champ pénal de manière plus générale, de plutôt actuellement produire des lois visant à empêcher des actes à venir qu'à punir ou du moins contrôler, réprimer des actes passés. Vous parliez également du fait que cette loi risque d'inciter, d'encourager des pratiques qui sont déjà actuellement à l'hôpital psychiatrique d'enfermement. Ça se retrouve également dans les hospitalisations d'office ou les hospitalisations sous contrainte qui actuellement, aujourd'hui également, enfin on peut lire le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de la rue sur la question, qui tendent à devenir sans durée définitive, parce que là il y a eu une réforme récente des hospitalisations sous contrainte. Est-ce qu'on peut évoquer cette question-là ? Ce que je dis, moi, c'est que depuis les années 1990, en particulier pour les infirmiers, je parle de ce que je connais le mieux, l'absence de formation spécifique à la prise en charge et aux soins psychiatriques fait que on a vu se développer ces soins contraignants, ces mises en isolement, c'est le retour des cas isolés et tout. On en est même aujourd'hui, on est encore beaucoup plus inquiet que la fin des années 2000 là, et la fin des années 90, puisqu'on voit se développer des pratiques vraiment avant 1793, c'est-à-dire avant que mon illustre ancêtre Jean-Baptiste Pucin et son épouse Marguerite ne libèrent les fous de leur chaîne. On en est aujourd'hui à envisager, comme le président de la République l'a dit le 2 décembre 2008 à Antony, à l'hôpital Erasme, à vouloir mettre des bracelets électroniques. Donc ce sont des chaînes modernes avec la technologie d'aujourd'hui. Mais je voudrais, c'est pas une condamnation de mes collègues, mais c'est une interpellation vis-à-vis d'eux à réfléchir sur quelle est leur pratique aujourd'hui et à voir un peu du côté de la psychothérapie institutionnelle, du mouvement des aliénistes, qu'est-ce que nous avons pu faire avant ce sinistre de décembre 2008. On a été de nombreux infirmiers, médecins, psychologues, travailleurs sociaux à travailler cette libération, ce travail de proximité, de continuité dans les villes, dans les secteurs. Ce travail qui est en train de se mettre en place dans la suspicion, dans la méfiance et tout, c'est à l'envers de tout ce qu'on souhaite développer, nous, dans un travail de confiance et d'adhésion aux soins, comme on le dit aujourd'hui, quoi. Y compris les sorties d'essai sont rendues de plus en plus difficiles, ce qui fait que la personne qui à un moment donné dans sa vie était confrontée à un problème psychiatrique qui a imposé un passage par l'hôpital se retrouve un petit peu fichée à vie comme étant une personne à problème et donc risque de ne plus avoir le même droit de sortie qu'elle aurait pu avoir. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de passer finalement de la pensée, de l'organisation d'une disponibilité soignante offerte aux familles inquiètes pour leurs proches et aux patients directement. On est en train de passer de cette disponibilité, de cette continuité en fait, de l'accès aux soins à une surveillance et une contrainte. Et si aujourd'hui elle s'organisait en fait sous la forme d'hospitalisation de plus en plus nombreuses sous contrainte, c'était aussi parce que finalement par la suppression de 100 000 lits ces 30 dernières années en psychiatrie, eh bien on se retrouvait avec des personnes qui étaient mal à l'extérieur, qui demandaient à leur médecin ou aux équipes qui les connaissaient en ville de retourner à l'hôpital pour un court séjour. Mais à ce moment-là, on se retrouve devant en fait des services hospitaliers qui sont complètement pleins. Et donc la seule possibilité de réussir à faire rentrer quelqu'un qui le demande dans un service hospitalier, eh bien, c'est de faire une hospitalisation sous demande d'un tiers, donc une hospitalisation sous contrainte. Donc on augmente bien évidemment le nombre d'hospitalisation sous contrainte, d'un point de vue statistique, mais surtout on augmente le nombre comme ça de patients qui se retrouvent de fait sous un critère qui serait celui du non-consentement, c'est-à-dire comme si c'était des patients résistants aux soins, alors que c'est eux qui ont demandé leur hospitalisation. Ce qui participe quand même dans les pensées à généraliser en fait l'idée que tous les patients qui souffrent de troubles psychiques refusent l'aide qu'on leur propose, ce qui est complètement faux. Oui, par rapport à votre question sur l'augmentation des hospitalisations sous contrainte, moi j'ai pu avoir accès à une recherche épidémiologique du conseil consultatif de l'OMS, toute récente. Qu'est-ce qu'elle dit cette recherche qui a porté sur quasiment 90 départements? Elle dit quoi? Elle dit d'abord, effectivement, il y a une augmentation des hospitalisations actuellement sous contrainte. Cette augmentation, elle est liée à quoi ? Elle est liée effectivement à un certain nombre du fait de cette cette suppression des 100 000, sur lequel je vais revenir, hein, les 100 000 lits supprimés, elle témoigne, cette recherche de l'OMS, de l'extrême disparité entre les régions, sur les hospitalisations sous contrainte. Il y a un rapport de 1 à 10 entre certains départements sur les hospitalisations d'office. C'est quand même assez incroyable et impressionnant. Voilà, il y a une disparité qui est liée à quoi ? Qui est liée à la fois, pour une part, à l'indigence du développement de la psychiatrie de secteur, elle est liée à certaines pratiques préfectorales, elle est liée à certains contextes politiques locaux, mais quand même, un rapport de 1 à 10 sur les hospitalisations d'office, c'est absolument énorme. C'est énorme. Alors, effectivement, il y a des endroits où la seule... L'autre jour, j'étais à France Inter, il y a une auditrice qui téléphonait en expliquant qu'une patiente dont elle s'occupe, elle était éducatrice, une patiente dont elle s'occupe voulait être hospitalisée. Elle demandait être hospitalisée. Il n'y avait pas de place. La seule façon qu'elle ait pu être hospitalisée, cette patiente qui demandait à être à l'abri, eh ben, il a fallu qu'elle soit en HDT. Et qu'est-ce qu'elle a raconté après son hospitalisation à son éducatrice ? Mais elle a raconté quelque chose d'invraisemblable. Elle était demandeuse de soins. Et comme elle a été en HO, elle a été dans un service où, dès qu'elle est arrivée, elle a été placée en chambre d'isolement et attachée. Voilà la réalité actuelle de peut-être 70 à 75% des services en France. C'est indigne. Il y a une véritable maltraitance. Il y a une véritable maltraitance des malades. Un irrespect, une inhumanité. On prend les personnes non plus comme des êtres humains, mais comme des objets. Le retour de la blouse, par exemple, a témoigné de ça. Le retour de la blouse chez les infirmiers dans les pavillons hospitaliers, depuis une quinzaine d'années, est revenu. C'est un signe, c'est symbolique. La blouse, elle fait quoi, la blouse ? C'est pas parce qu'il y a des soins médicaux, qu'il faut se protéger, il faut pas se salir, pas du tout. La blouse, elle signifie la délimitation, la frontière entre moi et l'autre. L'autre est un étranger, s'il fait pas partie de mon monde. Quand je porte une blouse, moi je suis du côté des soignants, lui ou elle fait partie du côté des fous et des malades. Et surtout, la blouse, c'est comme si ça va immuniser contre la contagiosité de la folie. Je reviendrai sur la question des 100 000 lits supprimés. On est là confronté à quoi ? Et là, la gauche comme la droite ont été pris dans cette époque de la gestion, et uniquement de la gestion, de la rationalisation. Comme on disait à l'époque, dans les années 90, il y avait eu un terme technocratique qui a été inventé, c'était la rationalisation des choix budgétaires. Donc, cette ère de la gestion, qui a été initiée à partir des années 85-86, alors d'abord, effectivement, sous le gouvernement de droite, hein, de Chirac, mais continuée allègrement par le ministre Évin, Claude Évin, qui se retrouve maintenant directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Cette ère de la gestion, elle a consisté en quoi ? C'était supprimer des lits d'hôpitaux. Mais, point final, dans une perspective uniquement comptable, faire des économies, uniquement dans cet esprit-là, il n'y a pas eu, alors que nous demandions, nous avons, depuis le début des années 80, nous avions construit constituer des structures alternatives, des lieux de soins alternatifs. Il n'y a eu aucun soutien pour développer. Si on avait... Alors c'est là où on touche le détournement idéologique de ce que l'on avançait. Dans le début des années 80, on disait « il faut soigner autrement ». C'était un mot d'ordre que j'avais avec d'autres amis lancé par le syndicat de la psychiatrie « soigner autrement ». Soigner autrement, ça voulait dire quoi? C'était effectivement soigner au plus près du lieu de vie des patients. Soigner autrement, ça voulait dire l'hôpital, l'asile est pathogène. Quand on rentre à l'hôpital psychiatrique, il y a une pathologie qui se développe que les ancêtres, nos ancêtres aliénistes, appelaient, on a oublié cela, on appelait ça la démence vésanique. C'est un très très beau mot. La démence vésanique, c'était un mot qui voulait dire la démence qui survient au cours, avec la longueur d'une hospitalisation à l'asile. La démence vésanique. Donc, on disait, effectivement, il faut effectivement lutter contre l'aspect pathogène des asiles. Donc faire sortir les patients et les prendre sur le secteur en charge, développer des structures, etc. Or, nous n'avons pas eu aucun, nous avons eu aucun moyen pour créer ces structures alternatives, pour compenser cette différence, cette disparition des lits. Et pire, les secteurs qui se sont implantés dans les hôpitaux généraux dans les années 80. Il y a eu tout un mouvement, un certain nombre de secteurs qui voulaient quitter l'hôpital psychiatrique, ce qui était tout à fait judicieux dans certaines circonstances, et qui se sont implantés dans les hôpitaux généraux. Qu'est-ce qui s'est passé dans les hôpitaux généraux? Eh bien, la psychiatrie, ayant toujours été le parent pauvre de la médecine, eh bien, ces secteurs qui avaient un certain nombre de moyens dans les hôpitaux psychiatriques, se sont vus amputés de leurs moyens à l'hôpital général. Parce que pour construire un scanner, pour construire un IRM, c'est des investissements énormes. Eh bien, on volait le budget de la psychiatrie pour le mettre à la médecine, pour construire, et rien pour la psychiatrie. C'est cela qu'on hérite, c'est ça la situation actuelle. Moi, j'étais partisan de la fermeture des hôpitaux psychiatriques dans le début des années 80. J'étais partisan de ça. Je disais, il faut qu'on crée des lieux de crise, des lieux d'hébergement, des lieux de vie dans la cité, pas dans ces structures absolument abominables que sont les grands hôpitaux psychiatriques comme Ville-Évrard, comme Hermont-de-Loise, où c'est des véritables villes. Non, créer des structures sur le secteur. On n'a eu aucun moyen. Pire que cela, par exemple, à Montfermeil, nous étions en passe... Au milieu des années 80, vers 87-90, nous pouvions fermer notre pavillon à l'hôpital de Ville-Évrard. Nous avions trouvé un pavillon sur la ville de Montfermeil. Le maire de Montfermeil, qui s'appelait Monsieur Bernard, le maire de Montfermeil, nous avions trouvé un pavillon à deux pas de l'hôpital de Montfermeil pour y faire un lieu de vie et un lieu d'accueil pour les patients en crise et pour les patients qui avaient besoin d'un abri, d'un asile. Nous étions dans cette possibilité de fermer notre pavillon à Ville-Évrard. Il y a eu, d'une part, le maire de Montfermeil a monté les voisins du pavillon que nous avions trouvé contre ce projet. Donc on n'a pas pu acheter ce pavillon. Et pire que ça, les psychiatres de l'hôpital de Ville-Évrard nous ont empêchés, à la CME de Ville-Évrard, ces psychiatres nous ont empêchés de faire ce projet. On voit bien à quel point, au sein de la psychiatrie, il y a deux courants. Un courant réactionnaire et un courant progressiste ouvert sur la ville. Je crois que c'est extrêmement clair maintenant, aujourd'hui, après que cette loi a été votée par les députés à l'Assemblée nationale, c'est que ce qui est criminel, c'est cette loi. Ce qui est criminel, c'est l'abandon dans lequel on a laissé les familles, les patients et les soignants depuis 30 ans. Ce qui est criminel, c'est d'avoir utilisé une volonté d'ouverture sur la ville pour fermer les lits des hôpitaux sans aucun transfert de moyens financiers sur les services dans la ville. Ce qui est criminel, c'est d'utiliser le désastre dans lequel se trouve la psychiatrie à l'heure actuelle pour faire passer cette loi, hein, et contraindre les personnes à rester chez elles. Parce que c'est ça ce qui est en train de se mettre en place. C'est un isolement de chaque individu au domicile. La crainte de sortir et de ce qui pourrait se passer s'ils sont à l'extérieur, dans la rue. Et ça, c'est extrêmement grave du point de vue des libertés publiques, du point de vue des libertés publiques dans un État démocratique. Je crois qu'il faut être très clair aujourd'hui. Vous parlez tous les trois du désastre de la psychiatrie aujourd'hui. Vous évoquez le fait qu'il faut tout autant lutter contre cette loi que contre des pratiques qui sont maintenant instituées à l'intérieur des hôpitaux psychiatriques. Là, en l'occurrence, vous représentez les personnes qui souhaitent modifier les choses, qui militent pour modifier les choses. Mais on a le sentiment quand même, jusqu'au début des années 2000, par exemple, d'un relatif silence de la psychiatrie, d'une absence en fait sur le terrain, d'intervention, et qui fait qu'aujourd'hui on est dans cet état-là. Oui, il ne faut pas avoir la mémoire trop courte. A été organisé à Montpellier en 2003 des états généraux de la psychiatrie qui regroupaient la totalité des organismes, des associations, des syndicats de professionnels et qui a, à la suite de ces travaux, fait des propositions, 22 ou 23 mesures, je ne me rappelle plus exactement. Aucune n'a été prise en compte par les pouvoirs publics, aucune mesure. On est aujourd'hui à demander la réouverture d'états généraux de la psychiatrie où les associations de familles, d'usagers, de professionnels pourraient débattre à des propositions pour une psychiatrie humaine au XXIe siècle. On est dans cette configuration-là. C'est inhumain ce qui est en train de se passer et ça conforte des pratiques inacceptables. Alors, ce n'est pas lié forcément qu'à une absence de réflexion des professionnels. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'absence de formation, l'absence de réflexion dans les équipes fait qu'aujourd'hui, on est pris dans des pratiques très asilaires. Il faut absolument qu'on arrive à se détacher de cela. Et nous souhaitons, nous, réfléchir à un grand programme de psychiatrie qui ne serait pas mis en œuvre, surtout par ce gouvernement, et par Madame Nora, Monsieur Bertrand, on est très très inquiet, très très inquiet des perspectives qu'ils peuvent nous proposer. Voilà, oui, parce que ce qui est très important, c'est que de continuer cette mobilisation pour bloquer cette loi, pour que le Sénat bloque cette loi, et la retirer, parce que bien sûr, il est hors de question pour nous de rentrer dans une application de cette loi. À l'heure actuelle, ça serait, on ne participera pas à cette destruction. Oui, on avait les informations là tous les trois là sur les nombreux mails que nous recevons hier d'administratifs, de directeurs d'hôpitaux qui commencent à dire. Alors bien sûr, dans la confidentialité des échanges que nous pouvons avoir avec eux, que cette loi est inapplicable. on est en train de nous mettre une usine à gaz qui sera inapplicable et qui va entraîner le contraire de ce que pouvait demander le président de l'UNAFAM. Parce que, attendez, mais quand tu dis Yves, inapplicable, il faut que ça soit bien clair que là, il n'est pas question de demander des moyens pour pouvoir l'appliquer. Hein. C'est-à-dire qu'on ne, on n'en veut pas, cette loi. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, et déjà en 2009, le gouvernement a décidé d'attribuer 70 millions d'euros à la mise en place de dispositifs uniquement sécuritaires. Hein. C'est-à-dire caméras, grillages, fenêtres blindées, contention. Des fonds qui étaient donc attribués aux hôpitaux avec la directive de utiliser ces fonds uniquement pour de mise en place de grilles, de caméras, etc. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de détourner ces fonds, qui sont rares hein, en psychiatrie, à d'autres projets, notamment des projets soignants. Donc là, c'est vrai, comme tu le sous-entendais tout à l'heure, je ne sais pas si c'était assez clair pour les auditeurs, il y a quand même en ligne de mire, à l'automne, la volonté pour le gouvernement de faire une grande loi pour la psychiatrie, hein, une loi de santé mentale. Il est pour nous extrêmement grave, extrêmement dangereux d'imaginer que ce gouvernement, le même gouvernement qui a écrit cette loi, puisse penser l'organisation globale des soins en psychiatrie. Donc nous allons tout faire et continuer cette mobilisation, non seulement pour que cette loi soit retirée, mais aussi pour empêcher que ce gouvernement statue sur l'avenir de la psychiatrie. C'est ça la batterie. C'est ça? Oui. Bah, montrez-moi alors. Vous allez voir, je vais vous montrer, c'est moi qui ai inventé ce machin-là, dis donc. Oui, avec les cartouches. Ah, vous enlevez les lunettes? Oui, vous allez les enlever. Là. Ah, d'accord. Là, tu vois? Alors, vous mettez des cartouches, sur le doigt? Oui, oui, au doigt. Au doigt. Ah, bah, attends, je vais enlever, ma bague, je vais prendre. Des cartouches au doigt, oui, c'est moi qui ai inventé ce machin de batterie, hein. Oui. Et puis je chante en même temps, hein. Bon. Ouais, en même temps. Bon, alors, on écoute, ça y est. On est au-delà de du combat contre cette loi spécifique, étant donné l'état des lieux que vous dressez aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas un énorme chamboulement comme il a pu y en avoir un en 1945 à l'initiative de Bonafé, la mise en place de la psychiatrie de secteur, ou toute la réflexion qui a été portée au cours des années 70-80 sur l'antipsychiatrie avec Basaglia, avec Lang et Cooper en Grande-Bretagne, est-ce que ce n'est pas, au-delà de cette loi, celle-ci, quoi, la dernière loi en date et avant la prochaine, sécuritaire très certainement aussi, est-ce qu'il faudrait pas un peu tout foutre en l'air et tout remettre à plat, quoi? Oui, c'est ce à quoi le collectif des 39 appelle. C'est un bouleversement fondamental à une réflexion différente, comme nos ancêtres, pas si anciens que ça, hein, Lucien Bonafé n'est parti qu'en 2003, nous appellent avec un travail, mais que nous avons déjà entamé depuis plus de 2 ans maintenant, au sein du collectif des 39. D'ailleurs, j'invite vos auditeurs à se rendre sur notre site www.collectifpsychiatrie.fr. Ils trouveront là tout un tas d'outils pour entamer cette réflexion. C'est au plus près de là où travaillent les équipes et où se rencontrent les équipes et les patients. On est aujourd'hui complètement émerveillés au collectif des 39 par la place que prennent les patients, les usagers de la psychiatrie, même si entre nous il y a un débat entre usagers et patients, à travers les GEM, je pense aux GEM de la locomotive à Reims, aux GEM les VIP à Grenoble, enfin comme ça dans toute la France, il y a des réflexions qui se mettent en place sur quels soins pour aujourd'hui entre les patients, les familles, les usagers. Tout à l'heure, faudrait-il un grand chamboulement, faudrait-il faire table rase? En fait, je crois que ce qui est très clair pour nous, c'est qu'il n'est pas question de faire table rase, puisque on connaît, nous savons comment organiser des soins qui obtiennent des résultats. Humains, et qui obtiennent des résultats sur le long terme pour que ces personnes, pour ces personnes qui sont en très grande souffrance et en très grande difficulté pour vivre dans notre société, qu'ils puissent acquérir une autonomie suffisante pour vivre soit chez eux, soit avec leur famille, soit en hébergement. Donc, là, ce qui s'organise depuis un certain nombre d'années, c'est effectivement une réaction à ces dispositifs qui existent, une réaction contre la possibilité pour les soignants d'atteindre cette autonomie. Pourquoi ? Alors, les explications sont complexes, mais on va prendre la plus simple. Elle est gestionnaire, elle est économique. C'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, ça demande du temps, de l'argent, ça demande la mise en place de formations conséquentes pour les gens qui se destinent à s'occuper de l'accueil de ces familles et de ces patients. Et que, eh bien, depuis 30 ans, on est dans une époque où, en fait, ce qui est recherché, c'est l'économie et la technicité. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une certaine fascination pour la science, pour la technicité, pour des résultats soi-disant à court terme. Alors c'est vrai que quand on utilise des médicaments à haute dose, eh bien, le délire disparaît dans le sens où la personne disparaît. Et que par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un effet d'accoutumance, très souvent en médicaments, et donc le délire revient. Donc le traitement n'est en aucun cas la solution miracle, ni à court terme, encore moins à long terme. Les dégâts sont considérables, donc ce qu'il faut stopper, c'est cette idéologie de scientisme, cette idéologie que, par exemple, la fondation fondamentale prône et prône auprès, malheureusement, avec une certaine réussite de nos hommes politiques de droite comme de gauche. Et certains de nos collègues aussi. Donc c'est un peu ça qu'il faut stopper. Eh bien, nous avons depuis 30 ans et depuis 40 ans les méthodes, le savoir-faire, l'expérience, un certain nombre de lieux continuent à vivre parce qu'ils sont tenus par des personnes extrêmement investies et qui résistent au flot comme ça de administratif et de réformes. Mais nous avons cette connaissance-là. Donc il ne faut pas laisser croire au public, aux auditeurs, aux familles, aux patients, que nous n'avons aucune solution et qu'il faut faire comme ça des lois en extrême urgence qui se révéleront en fait de véritables désastres. Voilà. L'électrophone se prête mal à l'enregistrement du violon. Il se prête mieux à l'enregistrement du banjo. C'était un entretien avec des membres du collectif des 39 contre la nuit sécuritaire à propos du projet de loi sur la psychiatrie en passe d'être discuté au Sénat. Le Sénat, c'est d'ailleurs le point de rendez-vous de la manifestation qui se tiendra le 10 mai contre ce projet de loi. Vous pouvez aller faire un tour sur leur site collectifpsychiatrie.fr ou bien sur www.intempestive.net où vous retrouverez cette émission en téléchargement ainsi que de la documentation. L'Intempestive sera rediffusée samedi à 1h sur le 88.4 de Radio Galère et mercredi prochain à 10h sur le 106.3 de FPP. Et pour la musique, vous avez pu entendre des extraits de l'album Rythme et Brut, Raw Music, avec Dragibus, Jaber, Fred Tabot, André Robillard, Paul Bourg, Jean-Claire Rambaud, Donna Collins et Mordi Sabat. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.